Oui, c'est un choix. Comment ça? Sinon, si c'est pas un choix, c'est quoi? Bah, c'est un choix d'être mère. Déjà, faut choisir, enfin, faut vous voir quand même, soit d'avoir un gosse. On te présente ça quand même comme un but en soi. Il y a qu'à regarder les catalogues de jouets à Noël. Enfin, les petites filles, elles jouent enfin, à la maman, quoi. Alors que les petits garçons font du bricolage, rien que ça, tu vois, même si c'est des trucs hyper insidieux, ça se stocke. Pour une femme contemporaine de France, c'est un choix. Elle a le droit de pas en vouloir. Mais après, c'est un choix quand même influencé par plein de choses. Donc, Ouais, je sais pas, parce qu'on ne pense pas tous pareil, on n'est pas tous pareils. Donc, je sais pas, une maman qui fera telle ou telle chose, on dira ah non, ça, elle devrait pas faire ça, elle devrait plutôt, au lieu de lui crier dessus, lui expliquer, etc. Mais après, on ne connaît pas vraiment la maman, s'il faut, elle est à bout de nerfs, c'est elle qui gère tout. Donc, elle ne peut pas non plus tout gérer à fond. C'est normal que de temps en temps, elle pète un câble, même si c'est dans l'espace public, quoi. Il y a beaucoup une idéalisation de la grossesse. Hein. Déjà, tous les bouquins qu'on voit, ils sont dans le commerce, dans les librairies, c'est des trucs qui vantent l'accouchement. Enfin, qui vantent pas, mais qui... C'est toujours des conseils plutôt positifs, quoi. En plus, avec ce que tu racontes dans les Disney. Et une vie heureuse, ils ont beaucoup d'enfants, donc super. Donc déjà, on te conditionne pour dire, ah, ma fille, tu seras... Plus tard, tu auras des enfants, tu seras mère, c'est comme ça, il ne sera pas autrement. Et ça, c'est pas vrai. Tu seras mère, ma fille est un documentaire sonore qui interroge l'injonction à être mère, mais également les connaissances sur la grossesse, les liens intergénérationnels entre les femmes, ou encore les transmissions des savoirs sur la maternité. Je suis Élodie Potente et dans ce projet, je tends le micro à deux jeunes femmes que je connais, qui ont entre 20 et 30 ans et qui n'ont pas d'enfants.